Et oui, c'est moi, Chimoud, bitochef et bitomane, défenseur de la belle ville de Nice. Mon secret est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai imposé mon beau bandeau brodé. En criant... Par le pouvoir de l'ondulation ancestrale, Chimoud, je détiens la force toute puissante, Chimoud. Les seuls à partager la vedette avec moi sont le putois, Jet Raoui, et quelques autres. Tous essayent de se mettre à ma hauteur pour combattre les forces du mal de l'Arax et des sbires du chaos. Chimoud.